Bonjour. Il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à faire cette série d'enseignements. Premièrement, l'histoire de l'origine de l'Église a subi un véritable sabotage par l'école protestante. Elle a créé beaucoup de préjugés populaires. Par exemple, quelqu'un m'écrit ceci. C'est l'Empire romain qui a fait naître cette religion catholique pour manipuler la vérité, éloigner les gens de Jésus et asservir le peuple. C'est une religion diabolique. De prime abord, tous les jugements à l'emporte-pièce là sont faux. Ce sont sur de tels préjugés que tout le protestantisme est construit. Aucun historien sérieux n'endosse une interprétation comme celle-là et si contraire à la réalité. Je vous exhorte ceci, mes frères protestants. Proverbe 24-28. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Alors, mes frères et sœurs évangéliques, si vous aimez le Seigneur, ayez à cœur de découvrir les vrais faits historiques, ceux qui sont basés sur des documents réels et incontestables. Chez l'école protestante, beaucoup écrivent des livres pour mentir. Ils sont sans scrupules. Ils ne craignent pas de salir et rendre de faux témoignages pour vous gagner à leur parti. Ne soyez pas dupes. Parcourez cette série d'enseignements et donnez-moi la chance de vous présenter les choses selon que je les ai découvertes moi-même dans de vrais manuels d'histoire. Ensuite, vous choisirez vous-même la voie que vous voulez adopter. Je rappelle que j'ai été moi-même un protestant très convaincu, un protestant militant pendant plus de 25 ans. Par mes études de l'histoire de l'Église, j'en suis arrivé à réaliser toutes mes erreurs. J'ai également fait cette série de messages pour donner des armes aux catholiques qui se font lancer toutes sortes de trucs à la tête et qui ne savent pas quoi répondre à leurs accusateurs. Alors après cette série d'enseignements, vous aurez tous de la connaissance et vous pourrez tous répondre à ceux qui diabolisent votre Église et vous attaquent et vous haïssent sans cause. Alors débutons. Pour connaître la véritable origine du catholicisme, il faut remonter à la Bible. Et jusqu'aux chrétiens des quatre premiers siècles. Comme vous le verrez, tout est rattaché sans coupure. Je vais vous donner tout de suite mes sources. Le fondement de cette série est principalement tiré du tome 1 et 2 de l'histoire de l'Église du chanoine Charles Poulet et du manuel intitulé « L'Église des apôtres et des martyrs » du docteur Daniel Rops, tous deux historiens de renom. Le chanoine Charles Poulet était un moine bénédictin. Il a étudié pendant 20 ans avant de commencer à écrire ses manuels d'histoire. On sait qu'après la lecture de la Bible, les bénédictins lisaient des livres de piété entre 3 et 5 heures par jour. Multipliez tout ça par 20 ans, ça va vous donner environ 36 500 heures d'études. Et là, je ne parle pas des études théologiques et historiques qu'il a dû faire avant son entrée dans les ordres. En tous les cas, son érudition est incroyable. Pour écrire son histoire de l'Église en deux tomes, ou l'histoire du christianisme, comme il s'est aussi appelé, il a réuni toute une équipe de spécialistes qui lui ont permis d'élargir davantage les cadres ordinaires d'une histoire de l'Église. Il a mis en ordre son œuvre de 1932 à 1940, donc 8 ans de travaux. Bref, cet homme fait partie de ceux devant lesquels nous devons lever notre chapeau et saluer bien bas. C'est quelqu'un en qui nous pouvons avoir une grande confiance. Les sources bibliographiques de ce manuel sont incroyables. Il y a 8 pages entières remplies des titres des documents et des manuels historiques qu'il a consultés et qui constituent les assises de ces deux tomes. Vous essayerez de trouver une bibliographie aussi abondante dans les manuels d'histoire protestants. Je vous souhaite bonne chance. Au bas des pages de chaque chapitre, il y a autant de notes bibliographiques qu'il y a de textes dans le chapitre. Ce manuel, mes amis, c'est du béton armé. Quant à Daniel Rops maintenant, il a reçu sa formation à l'Université de Lyon. Il était historien séculier, également historien de l'Église, un écrivain, un professeur d'université, il a été membre de l'Académie française et à sa mort, il a reçu de nombreuses distinctions. J'ai consulté plusieurs autres sources également. L'école protestante a jeté tellement de désinformation et semé tellement d'ivraie parmi le blé de la connaissance que les gens ne savent plus qui croire et quoi croire. Alors l'origine du catholicisme, la vraie, par la grâce de Dieu, nous ferons la lumière sur tout ça une fois pour toutes. Parlons tout d'abord d'un document très très ancien qui s'appelle le Credo, ou le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres aurait été transmis directement par les apôtres. Le Credo aurait été composé par les apôtres eux-mêmes juste avant leur dispersion en l'an 36. Symbole est un mot grec qui signifie « résumé » et credo est un mot latin qui signifie « je crois ». Donc, c'est-à-dire le résumé de la foi chrétienne, de ses vérités les plus fondamentales qui allaient être la base de leur prédication, la base de leur enseignement partout dans le monde. Le fait que ce credo soit aussi utilisé chez les chrétiens d'Orient permet de penser qu'elle date du tout début du christianisme, avant même que les apôtres ne se séparent pour aller évangéliser les pays avoisinants. Ignace d'Antioche, en 107, fait explicitement allusion à ce texte dans sa lettre aux Thraliens. Le symbole des apôtres était et est encore une profession de foi chrétienne en usage dans toutes les églises catholiques. Ce sont les 12 dogmes principaux qui étaient à la base de l'unité chrétienne de l'Église primitive et qui sont les mêmes encore aujourd'hui que l'Église catholique a conservés jusqu'à ce jour, quand je vous disais que tout était relié. Alors voici les 12 dogmes qui sont tous basés sur des textes bibliques. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Éphésiens 3:9. 1 Corinthiens 8, 6. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 1 Jean 2, 22, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, Luc 1, 35, qui a souffert sous Ponce Pilate, Matthieu 27, 2, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 1 Corinthiens 15, 3, est descendu aux enfers, 1 Pierre 3, 19 et 4, 6. Cinquième dogme, le troisième jour est ressuscité des morts, 1 Corinthiens 15, 4. Sixième, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, 1 Pierre 3, 22. Septième dogme, d'où il viendra juger les vivants et les morts, 1 Pierre 4, 5. Huitième dogme, je crois en l'Esprit Saint, Jean 14, 26. À la Sainte Église universelle, Colossiens 1, 6 et Jean 17, 22, à la communion des saints, Hébreux 12, 22 et 23, à la rémission des péchés, Matthieu 26, 28, à la résurrection de la chair, Jean 6, 39, douzième dogme, à la vie éternelle, Matthieu 25, 46. L'enseignement le plus permanent, le plus infaillible de l'Église s'y est à jamais inscrit. Ce sont les 12 dogmes fondamentaux et bibliques qui formaient la base de tout l'édifice de la foi de nos frères du 1er siècle et qui a été à la base de tout l'édifice de la foi catholique depuis 2000 ans. Et ce sont, à 95%, les mêmes dogmes fondamentaux des églises évangéliques également. Alors, mes petits frères évangéliques, vous avez beaucoup plus de choses avec la foi catholique que vous ne pensez. Alors dire que l'Église catholique est du diable, c'est dire que vous l'êtes également. Alors informez-vous et instruisez-vous, ne calomniez pas. Au IIe siècle, Tertullien appelle le credo la règle de foi, c'est-à-dire la règle de foi qui contenait la formule par laquelle le nouveau baptisé proclamait son appartenance au Christ et à l'Église du Christ et à l'essentiel des vérités auxquelles il acceptait d'adhérer. C'est un des points les plus émouvants de cette histoire de la primitive Église que de montrer la filiation profonde qui attache à elle les fidèles d'aujourd'hui. Au jour de la naissante Église, l'acte de foi avait tenu en quatre mots « Je crois en Jésus ». Ainsi avait répondu au diacre Philippe, l'eunuque éthiopien, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Il est vrai que croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, était bien l'essentiel du christianisme durant les premières décades. Mais à cause des doctrines gnostiques qui n'ont pas tardé à se produire, les articles de foi essentiels se sont un peu plus précisés. Ainsi, saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, affirme que, je cite, « L'Église, quoique dispersée dans le monde entier, a reçu des apôtres et de leurs disciples la foi en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de la mer et de toutes choses qui sont en elle, et en Christ Jésus, Fils de Dieu, incarné pour notre salut, et au Saint-Esprit, qui a parlé par la voix des prophètes. » Fin de citation. Alors, au début du IIe siècle, nous voyons qu'à la foi de base du chrétien était reliée encore au credo. En 1 Pierre, chapitre 5, l'apôtre fait des recommandations à tous les pasteurs de ses églises. Le début de sa lettre commence ainsi. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Ce qui prouve la catholicité de l'Église avec un grand E. Partout où il est question d'unité dans la Bible, il est question de catholicité. Une tradition rapportée par Ruffin au IVe siècle assure que les apôtres eux-mêmes avaient reçu du Christ l'ordre de composer, avant de se séparer, une règle de foi destinée à maintenir l'unité d'enseignement dans l'Église et qu'ils l'avaient de fait rédiger sous l'inspiration divine en mettant en commun leur lumière. Aussi, à l'autre bout du monde romain, Origène en Égypte et Tertullien en Afrique proclament des données semblables. Ce qui frappe, c'est l'unicité des dogmes partout dans les églises du monde. On en a retrouvé une version de Jérusalem, une de Césarée, une d'Antioche, une d'Alexandrie et une de Rome. À quelques petits détails, les textes sont tous identiques. C'est pourquoi l'Église a très vite été appelée l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle, qui possède la même foi. Les protestants disent « oui, mais le mot catholique n'est pas dans la Bible ». Oui, il y est. Partout où le Nouveau Testament parle d'unité de la foi, il parle de catholicité. La catholicité de l'Église est synonyme d'unité de la foi. Alors quand Paul écrit en Éphésiens 4, 4 à 6, « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Voilà, mes amis, la catholicité. Alors voilà pour le credo. L'Église catholique a été doctrinalement fidèle à ce credo jusqu'à nos jours. C'est pas pour rien que l'Église est appelée la gardienne de la tradition chrétienne, mes amis. Parlons de la didachée maintenant, aussi appelée la doctrine des apôtres. La Didachée est un document du christianisme primitif extrêmement important, écrit vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e, ce qui en fait l'un des plus anciens documents écrits concernant les premiers chrétiens. Le manuscrit retrouvé est intitulé « Doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres ». Les prescriptions disciplinaires témoignent d'une époque où vivaient encore les apôtres. On a proposé la possibilité qu'elle était une sorte de manuel pour les nouveaux convertis, une introduction à la communauté chrétienne, à apprendre partiellement par cœur et destinée à devenir la nouvelle ligne de conduite chrétienne. La Didachée nous montre des ministres de la parole tels que les apôtres, les prophètes, les didascales, c'est-à-dire les évangélistes, sans résidence fixe, et aussi des ministres du sacrifice public, plus spécifiquement de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire les presbytres. C'est un célèbre et très précieux document de l'Église primitive et un témoignage puissant des croyances et des pratiques des premiers chrétiens et que l'Église a conservé jusqu'à nos jours. Le document est divisé en 16 chapitres. On y retrouve toutes sortes de prescriptions à propos du comportement de la communauté, les uns vis-à-vis des autres, un enseignement moral et des prescriptions liturgiques concernant le baptême, les jeûnes, la prière, l'éthique générale à tenir, on parle aussi des œuvres et de l'Eucharistie, etc. C'est en tout et partout un document très, très édifiant que je vous invite à lire. Il est facile à trouver sur le net. Les pères de l'Église, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe de Césarée, y font tous référence dans leurs écrits. Après avoir parlé principalement de la doctrine du Seigneur contenue dans le Sermon sur la montagne, au 11e chapitre, il est écrit « Si quelqu'un vient à vous et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Mais si le prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne une autre doctrine qui travaille à détruire, n'écoutez pas. Enseigne-t-il au contraire pour accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. » Fin de citation. Au 14e chapitre, il est écrit « Réunissez-vous le jour dominical du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, rompez le pain et rendez grâce après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Celui qui est d'un avis différent avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous avant de s'être réconcilié, de peur de profaner son sacrifice. » 15e chapitre. Ainsi donc, élisez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés financièrement, entre parenthèses, véridiques et éprouvés. 16e chapitre. Veillez sur votre vie, ne laissez ni s'éteindre vos lampes, ni de détendre la ceinture de vos reins, mais soyez prêts, car vous ignorez le jour où notre Seigneur viendra. Assemblez-vous fréquemment pour rechercher ce qui intéresse vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes devenu parfait. » Fin de citation. Ce qui fait écho à cette parole de Paul en Philippiens 3, 12 et 15, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » Ni la Didachée, ni Paul ne permettaient que les chrétiens s'assoient sur la fausse doctrine d'un salut assuré. Ce qui se dégage de la Didachée, c'est que les premiers chrétiens avaient une vie spirituelle très intense. On rivalisait dans les efforts de sainteté. 1 Corinthiens 9, 24 dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » La rivalité dans la sainteté est la seule rivalité qui soit chrétienne et sainte. C'est un document très, très intéressant, mes amis, et très instructif. Si j'avais le temps et la place, j'en parlerais davantage bien volontiers, mais vous pourrez facilement le trouver sur le net quelque part et en faire la lecture. Je vous le recommande chaudement. Nous lisons dans la Didachée que l'on préparait et mettait à l'épreuve les prétendants au baptême pendant plusieurs mois, voire même jusqu'à une année, si je me souviens bien. Au tout début, dans les Actes des apôtres, on voit que l'on baptisait immédiatement. Mais les responsables de l'Église ont dû faire quelques changements à ce propos, car de faux croyants entraient dans l'Église avec de fausses doctrines. On a donc décidé de rendre la porte de l'Église un peu plus étroite, afin de ne pas y faire entrer d'ennemis. On pratiquait le baptême dans une chapelle séparée nommée baptistère. On baptisait déjà de trois façons, suivant que les conditions le permettaient ou pas. On baptisait soit par immersion, là où il y avait de l'eau, soit on plaçait le sujet sous une chute d'eau, soit dans une piscine, et là on répandait de l'eau sur la tête. Ces trois formes de baptême prévalaient chez les premiers chrétiens, et l'Église les a tenues tous les trois comme valides, parce qu'ils gardent l'image de la signification du lavement. Ces trois formes étaient l'immersion, l'effusion et l'aspersion. Même si l'immersion était la forme de baptême qui prévalait au tout début, il ne faut pas en déduire que les autres formes n'étaient pas également employées. Dans le cas des mourants et des malades, l'immersion était impossible. Le baptême était alors administré par l'une ou l'autre des deux autres façons. La chose fut si bien reconnue qu'on les appelait le baptême des malades ou le baptême des prisonniers. Rappelez-vous également le passage en Actes 16, où Paul baptise tous les membres de la famille du geôlier. Croyez-vous réellement que Paul et tout ce beau monde-là sont partis en pleine nuit à la recherche d'une rivière quelque part? De plus, il est dit que Paul était blessé et de ce fait incapable de voyager. Les baptêmes de cette famille ont donc été certainement pratiqués autrement que par l'immersion. Cyprien de Carthage, qui a vécu de 200 à 258, déclare toutes les formes de baptême valides. Et là, je vous rappelle qu'on est seulement dans la première moitié du IIIe siècle et que les chrétiens sont dans les catacombes et persécutés à mort dans tout l'Empire. Alors ne venez pas me dire que ces chrétiens étaient tous des apostats, mes amis. Les documents qui rapportent les actes des premiers martyrs témoignent fréquemment que le baptême dans les prisons était fait par effusion ou par aspersion. Allait-il en enfer pour autant, mes amis évangéliques? Je ne crois pas. Il y a des peintures dans les catacombes réalisées par les premiers chrétiens, dépeignant des baptêmes par effusion. Ça montre que ces baptêmes étaient, dès l'époque primitive, considérés comme valides. Au chapitre 7, la Didachée approuve le baptême par immersion dans une rivière, mais aussi le baptême par effusion, c'est-à-dire en versant de l'eau sur la tête. Je cite le passage. « Quant au baptême, baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau courante. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre sorte d'eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude, c'est-à-dire dans une piscine. Si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, verse trois fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Fin de citation. Je vous rappelle que la Didachée a été écrite au tout début du IIe siècle et que l'apôtre Jean vient à peine de mourir. Alors ne me parlez pas d'église apostate, mes amis, ou de faux chrétiens, juste parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Les chrétiens évangéliques ont de ces raisonnements, parfois je n'en reviens pas. Le baptême par effusion remonte aussi loin que les prisons romaines. Quand on amenait quelqu'un au Seigneur en prison, on ne disposait pas d'eau pour baptiser par immersion, alors on le faisait par effusion. Ce qui fait qu'après 275 ans de persécution, le baptême par effusion est devenu la norme. On a découvert aussi qu'il n'y avait rien de magique dans le baptême par immersion, que ce n'était qu'un rituel symbolique et que l'important, c'était qu'il y ait de l'eau quelque part, afin de conserver la figure du lavement. Voyez-vous, ce qui a creusé le fossé entre protestants et catholiques, c'est l'ignorance des raisons historiques qui ont amené la première Église à changer certaines manières de faire. Parce que quand on connaît leurs raisons, on finit par les approuver. Un évangélique me dit sur le net, « Étant des chrétiens, notre seule boussole, c'est la Bible. Le reste, c'est du folklore. » Du folklore, franchement. Que diraient ces chrétiens, morts martyrs pour le Seigneur, si on leur disait que les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui ne croient rien de leurs écrits, que leur témoignage n'est que de la gnognotte et du folklore? Que diraient-ils de vous, mes amis, je vous le demande? Écoutez-moi bien, mes frères protestants. Que diriez-vous si je vous apprenais que les chrétiens cachés dans les catacombes croyaient aux représentations de Jésus et de Marie, qu'ils croyaient à la communion des saints, aux prières à Marie et aux saints, qu'ils croyaient et pratiquaient le baptême par effusion, qu'ils croyaient au jour du dimanche pour se réunir, qu'ils croyaient aux reliques et à l'Eucharistie, etc. Dans le livre « Les actes des martyrs », écrit à la fin du IIe siècle par sainte Perpétue, où elle décrit la mort des martyrs, elle dit, « Vous vous souviendrez de la gloire du Seigneur, vous tous qui fûtes témoins de ses faits, et vous qui dans ces récits les apprendrez. Vous aurez communion avec les saints martyrs, et par eux avec Jésus-Christ notre Seigneur, à qui sont la gloire, l'honneur et la communion des saints. » Fin de citation. Alors je vous pose à nouveau la question. Est-ce que vous croyez que tous ces frères et sœurs, morts martyrs, sont en enfer présentement à cause de ce qu'ils croyaient? Si vous condamnez l'Église catholique comme diabolique et apostate, alors vous condamnez les premiers chrétiens martyrs comme diaboliques et apostats également. Et si les premiers chrétiens étaient diaboliques à cause de leur pratique, pourquoi l'Empire romain les persécutait-il? Est-ce que l'Écriture ne dit pas que le monde aime ce qui est à lui? Est-ce que le Seigneur lui-même n'a pas dit que Satan ne chassait pas Satan? 80% des chrétiens persécutés de nos jours dans le monde sont catholiques. Saviez-vous ça? Et si l'Église catholique appartient au diable, comme vous le dites, pourquoi le diable les persécute-t-il? Au IIe siècle, à l'accusation d'être chrétienne, une toute jeune esclave baptisée, appelée Blandine, mais pleine de la force de Dieu, répond « Je suis chrétienne et il ne se fait aucun mal parmi nous et l'on ne fait aucun mal hors de nous. » Voilà ce que Dieu regarde, mes amis, la douceur et la charité du cœur. Ce ne sont pas les pratiques extérieures. Je cite à nouveau un texte tiré des Actes des martyrs. « Blandine, ni le fouet ni le gril ne lui furent épargnés. Comme elle vivait encore, on la mit dans un filet pour la livrer au taureau. Lancée en l'air à plusieurs reprises par l'animal, presque inanimée, elle respirait encore. On l'égorgea enfin. » Cette jeune chrétienne morte martyre, mes amis, et qui croyait à la communion des saints, à l'Eucharistie et aux reliques, est-elle allée en enfer après sa mort, mes amis? Si vous condamnez l'Église catholique à cause de ses croyances aujourd'hui, vous êtes obligé de condamner tous les martyrs des premiers siècles également. Non, mes frères, les pratiques ne sauvent ni ne perdent. Il y a seulement ce que Dieu a fait en nous, et ce que nous avons fait pour lui, et ce que nous avons enduré pour lui. Donc, l'histoire de l'Église ne s'est pas terminée en 64 après Jésus-Christ, mes amis, qui est la date de la dernière page des Actes des apôtres. Dire que tout ce qui est arrivé après cette date n'est que du folklore, c'est rendre une bien grande injustice à tous les martyrs. Notre Nouveau Testament ne couvre que les 33 ou 34 premières années du christianisme, ce qui est très très peu. L'Église a fait et dit beaucoup de choses après cette date. Alors, dans cette série d'enseignements, nous allons étudier l'histoire de l'Église, des apôtres et des martyrs, soit les 3 ou 4 premiers siècles. Vous verrez que même après la mort des apôtres, Dieu n'est pas mort et qu'il n'a jamais cessé d'agir à travers son Église. Les Actes des apôtres est un livre qui est demeuré ouvert. Les apôtres ont nommé des successeurs après eux et l'œuvre de Dieu s'est poursuivie. Jésus n'a jamais dit que la Bible était un livre fermé. Les apôtres non plus. Jésus a dit à son Église, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, il y a eu beaucoup de changements durant l'histoire, mais ce fut des changements nécessaires auxquels l'Église ne pouvait pas échapper. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas ce qui est important. Ce ne sont pas les croyances et les pratiques extérieures qui font de nous des chrétiens ou pas, mais notre foi au Christ, notre amour pour Dieu et notre charité envers nos semblables. Voilà à quoi on reconnaît un vrai chrétien et une vraie nouvelle naissance. Les premiers pères de l'Église, juste après les apôtres, sont dits apostoliques en raison de leurs œuvres littéraires qui s'étendent de 90 à 160 après Jésus-Christ et constituent les tout premiers témoignages des communautés chrétiennes après les écrits du Nouveau Testament. C'est pourquoi les apôtres et les pères apostoliques sont inséparables. Ce sont leurs témoignages qui confirment les bonnes interprétations de l'Écriture. Si vous ne connaissez pas l'histoire des chrétiens des premiers siècles, vous n'interpréterez pas la Bible avec vérité. La Bible ne s'interprète pas par elle-même. Elle s'interprète à la lumière de ceux qui ont connu ceux qui l'ont écrite. La Didachée est un texte très ancien qui a été écrit à la fin du premier siècle, alors que l'apôtre Jean était encore probablement en vie. Voici ce qu'écrit Clément d'Alexandrie, l'un des pères de l'Église, à la fin du second siècle. Je cite, « Nous faisons de toute notre vie une fête, persuadés que Dieu est présent partout et de toute manière, et qu'en labourant, nous le louons, et qu'en naviguant, nous chantons des hymnes. Notre prière est une conversation avec Dieu, même si c'est en silence que nous nous adressons à lui ou en remuant à peine les lèvres. Intérieurement, nous prions. » La tête levée, les bras dressés au ciel, nous demeurons, même quand la prière vocale est finie, tendus dans le tremblement de notre âme vers l'univers spirituel. Qu'il se promène, qu'il converse, qu'il se repose, qu'il travaille ou qu'il lise, le croyant prie. Et seul, dans le réduit de son âme, s'il médite, Il invoque le Père avec des gémissements ineffables. Fin de citation. Voilà, frères et sœurs, la vie intérieure des premiers chrétiens. Alors j'ai une question pour vous, mes frères protestants. Est-ce que vous croyez que Clément d'Alexandrie et tous les chrétiens dont il parle ont l'air de chrétiens apostats qui sont allés en enfer après leur mort, selon vous? Parce qu'à la fin du second siècle, ces chrétiens croyaient au baptême des enfants, par effusion, ils croyaient à l'Eucharistie, à la communion des saints, aux reliques, et j'en passe. Peu importe ce que vous pensez de ces doctrines, il faut réaliser et avouer que la piété ne se trouve pas dans la tête, mais dans le cœur. Il faut réaliser, il faut avouer que ces chrétiens en étaient de vrais. Et il faut réaliser que la piété, la vraie piété, ne se trouve pas dans la tête, mais dans le cœur. Le sentiment d'amour qui reliait les premiers chrétiens était si fort qu'Ignace d'Antioche, en 107, l'appelle l'agapé. Le mot devient synonyme d'église. L'église, c'est la charité. Tertullien rapporte « Voyez comme ils s'aiment », s'écrient les païens quand ils considèrent les chrétiens avec étonnement. Saint Justin, au IIe siècle, a écrit « Nous qui aimions jadis le gain, nous distribuons maintenant tout ce que nous possédons. » Est-ce que ça vous paraît être les agissements de chrétiens apostats, mes amis? Le vocable grec « ecclésia », qui signifie couramment « assemblée » ou « église », désignait bien une autre chose qu'une simple réunion d'hommes. L'Ecclésia est une entité consacrée dont tous les membres sont reliés mystérieusement les uns aux autres par la foi et la charité. L'unité de l'Église est la preuve mystique de la présence du Christ sur la terre. Tout homme se nommant frère, qui possède un esprit rebelle, étroit, sectaire, exclusif et lançant des anathèmes aux autres, est donc un menteur qui ne fait pas partie de son peuple. Voici ce que croyaient les chrétiens des catacombes à propos de l'Eucharistie. Jean 6, 54 « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Voici le commentaire que Cyprien de Carthage au IIIe siècle en a écrit. « Il y a donc à craindre que celui qui se sépare de la communion et se sépare du corps du Sauveur ne s'éloigne en même temps du salut éternel. » Fin de citation. L'histoire de l'Église primitive est très claire à ce sujet. Les chrétiens ont de tout temps, depuis le commencement, cru à la présence réelle du corps et du sang du Seigneur dans les éléments. Ce n'est que 1500 ans plus tard que les protestants ont cessé d'y croire. La doctrine qui veut que ce ne soit qu'un mémorial nous vient d'une erreur doctrinale de la Réforme. Jésus a dit, dans un langage on ne peut plus clair, « Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Personne ne peut réformer ce que le Christ a dit. Les protestants disent ne croire qu'à la Bible seule et pourtant ce simple bout de texte qui est encore plus clair que l'eau de source est rejeté par eux. Alors toute cette histoire de « nous autres on est bibliques et vous autres vous ne l'êtes pas » là, ça finit par bien faire. Comme je l'ai dit, le Nouveau Testament ne couvre que 33 ou 34 ans de l'histoire de l'Église, soit de la Pentecôte au dernier verset des Actes, en 64 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens qui veulent être bibliques finissent par renier tout ce que l'Église a fait et pratiqué après cette date. Il s'agit d'une perte incroyable et d'un manque de sagesse incroyable. L'Église n'a pas cessé d'être l'Église de Jésus-Christ après 64, mes amis, pour devenir diabolique en 65. Soyez logiques. Le Seigneur a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », pas jusqu'en 64. L'Église a connu des développements nombreux après 64 et qui sont aussi divins et aussi valables que ce qui a été écrit avant cette date. Je voudrais revenir un peu sur le mot « catholique ». Les protestants nous cassent la tête avec ça. Ils nous disent que ce mot n'est pas dans la Bible. Je dis, moi, qu'il y est à plusieurs endroits et dans plusieurs passages. Il y est implicitement partout où le Christ ou les apôtres parlent d'unité et de la bonne doctrine. Ils parlent en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui la catholicité. Le texte le plus ancien où est employé le mot « catholique » est celui d'Ignace d'Antioche, en 107. Il écrit, dans son épître à l'église de Smyrne, chapitre 8, verset 2, « Partout où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Le mot catholique prend le sens de tout ce qui est conforme à la vraie foi, de ce qui est orthodoxe, par opposition aux doctrines hérétiques ou schismatiques. Ce sens nouveau est né le jour où l'Église chrétienne dut distinguer la véritable Église des sectes chrétiennes qui s'en détachaient, telles les sectes gnostiques, les marcionites, les valentiniennes et autres. Je rappelle qu'Ignace d'Antioche a connu les apôtres Pierre et Paul et Jean, et dans son épître aux chrétiens de la Thralie également, il appelle déjà l'Église catholique. Allez vérifier par vous-même, ces lettres sont encore disponibles sur le net. L'Église a toujours gardé ce nom. Les disciples directs des apôtres parlaient tous de l'Église du Christ comme de l'Église catholique. Les protestants ont dit qu'avant Constantin, l'Église catholique n'existait pas, alors nous voyons que c'est faux. L'Église n'a jamais été aussi catholique que durant les trois premiers siècles avant Constantin. Catholique veut dire universel. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule Église dans le monde entier et qu'il n'y avait qu'une seule foi. D'où le mot « universel ». Le mot « universel » vient du mot grec « katholiki », ce qui signifie « catholique » en français. Le mot « catholique » souligne l'unité de l'Église et de son orthodoxie doctrinale. Alors il n'y a rien d'ahurissant dans ce mot-là. Quand je vois tous ces petits chrétiens aujourd'hui, là, qui sont tous scandalisés, qui viennent tout étourdis en entendant le mot catholique, là, ça me fait bien rigoler. 1 Timothée 6,4. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies. Il ne sait rien, a-t-il dit. Alors, le manque de connaissances est à la base de toutes les disputes, mes amis. Les chrétiens d'aujourd'hui se scandalisent pour l'amour d'un seul mot. Ils se divisent pour les questions les plus absurdes. Ils se scandalisent de tout et de rien. Et ça, mes amis, toute cette peur-là vient de l'ignorance. L'ignorance engendre la peur, la paranoïa, les calomnies, les sectes, les divisions et les anathèmes. Les mots « Église catholique » ont été employés par les premiers chrétiens, par les disciples immédiats des apôtres. Polycarpe, par exemple, le disciple de l'apôtre Jean, donc un père de l'Église. Après son martyre, vers 160, l'Église de Smyrne écrit une lettre qui commence ainsi. « L'Église de Dieu qui séjourne à Smyrne, à l'Église de Dieu qui séjourne à Philomélium et à toutes les communautés de la Sainte Église catholique qui séjourne en tout lieu. Que la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient donnés en plénitude. » Fin de citation. Je vous invite à lire cette lettre magnifique. Vous voyez, le mot catholique y est employé, et parmi les premières églises, personne ne s'en scandalise. Il y a trois passages dans cette lettre où le terme catholique est employé. Voici le deuxième passage. Polycarpe, durant son martyre, acheva enfin sa prière dans laquelle il avait fait la mention de tous ceux qu'il avait jamais connus, petits ou grands, illustres ou obscurs, et de toute l'Église catholique répandue sur la surface de la terre. Fin de citation. Et voici le troisième passage. Au nombre des élus doit être rangé Polycarpe, ce très glorieux martyr qui, à notre époque, fut par ses enseignements un apôtre et un prophète, et l'évêque de l'Église catholique de Smyrne. Fin de citation. Le mot catholique n'était en scandale à personne. Le mot catholique signifie universel, terme qui souligne son unicité et son universalité et son unité de doctrine et de foi. C'est pourquoi très tôt, on a désigné et qualifié l'Église comme étant catholique. On ne va pas se scandaliser pour un mot. La langue française invente de nouveaux mots chaque jour. Ce n'est pas un crime. Les protestants disent « Ah, les premiers chrétiens n'étaient pas catholiques parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. » Alors considérez le verset suivant, Actes des Apôtres 11, 26. « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Cet épisode s'est passé en 42 après Jésus-Christ, soit 9 ans après la Pentecôte. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de chrétiens sur la terre avant cette date? C'est écrit où dans les évangiles que les disciples de Jésus s'appelaient des chrétiens? Les protestants emploient l'argument suivant. Jésus n'était pas catholique, c'est pas écrit dans la Bible. Moi, je leur réponds, c'est écrit où dans la Bible que Jésus était chrétien? C'est écrit où dans la Bible que les apôtres étaient des chrétiens? C'est écrit où dans la Bible que les 3000 conversions produites par l'apôtre Pierre durant son sermon en Acte 2 étaient des chrétiens? Il ne faut pas sombrer dans le ridicule, mes amis. Alors arrêtez d'employer toujours cet argument qui ne tient pas debout. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Toujours les disputes de mots. Les mots sont nos serviteurs, ce ne sont pas nos ennemis. À l'époque des persécutions romaines, alors que les chrétiens étaient dans les catacombes et qu'ils mouraient martyrs dans le Colisée, on appelait déjà l'Église l'Église catholique, depuis 2 siècles. Et quand les persécutions se sont terminées, elle a conservé le nom d'Église catholique jusqu'à nos jours. Constantin n'a rien inventé du tout. Les chrétiens ont commencé par être appelés des disciples, et 12 ans plus tard, ils étaient appelés des chrétiens, et 65 ans plus tard, ils étaient appelés des catholiques. De Jérusalem à Antioche, puis d'Antioche à Rome, et de Rome jusqu'à aujourd'hui, c'est la même Église qui a grandi et qui s'est développée. Tout est rattaché. Il n'y a pas eu une ou deux ou trois églises. Christ n'a fondé qu'une seule église. Toutes les autres ne sont que des greffes étrangères. Je ne dis pas que toutes les greffes ont été mauvaises, mais elles se sont appropriées le nom d'église de Dieu illégalement. Le mal avec toutes ces églises, ces sectes, c'est qu'elles se posent en rivales de l'église. La Bible dit en Galates 5:20, « Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes ne viennent jamais de Dieu. Ce sont des œuvres de la chair, dit l'apôtre Paul. » Complétant en 1924 les grands travaux qu'il avait inaugurés au 19e siècle, l'historien protestant allemand Adolf Harnack écrivait cette affirmation qui, venant d'un tel savant, prend tout son poids. Je cite. Que romain égale catholique, je l'ai déjà exposé en qualité d'historien protestant il y a 22 ans dans mon manuel « Histoire des dogmes ». Mais depuis lors, cette thèse a été accentuée et les historiens protestants ne seront plus choqués de cette proposition. Que des éléments capitaux du catholicisme remontent jusqu'à l'âge apostolique. Fin de citation. Et ça, mes amis, c'est un historien protestant de renom qui le dit. Vous voyez bien que quand un protestant s'instruit, il arrive à des conclusions bien, bien différentes des vôtres, mes amis évangéliques. Justin, qui a vécu de l'an 100 à l'an 165, donne une description des assemblées primitives. Premièrement, il y avait la lecture des évangiles, des prophètes, ensuite l'offrande, le récit eucharistique au cours duquel se fait la consécration, enfin la communion. Je cite, « On apporte du pain et du vin et de l'eau. Le président prie et rend grâce aussi longtemps qu'il peut, et le peuple répond à l'acclamation par « Amen ». Fin de citation. Et ça, mes amis, c'est la description exacte du culte catholique de la messe que l'on peut observer à chaque dimanche encore aujourd'hui. Également, dans un culte catholique, tout tourne autour de la Bible et est centré sur ses enseignements. Alors, je ne sais vraiment pas où les protestants ont pris que le culte catholique le dimanche était diabolique. Allez assister vous-même à un culte le dimanche, vous verrez bien. Ne laissez pas tous ces préjugés envahir votre cerveau. L'Église, retenant ce que la Bible enseigne, retient également ce que les chrétiens des premiers siècles ont cru et pratiqué. L'Église ne renie pas ses propres enfants. Mes amis évangéliques, la Réforme vous a coupé de vos racines. Retournez lire les écrits des premiers chrétiens. Alors résumons ce qu'on a vu jusqu'ici. Après le credo du 1er siècle, il y a eu la didache du 2e siècle. Après la didache, il y a eu la didascalie du 3e siècle. Et planant au-dessus de tout ça, il y a les écrits des pères de l'Église. Alors nous sommes plutôt bien informés sur ce que les premiers chrétiens croyaient et pratiquaient. Nous avons parlé du credo, un peu de la didachée, parlons maintenant de la didascalie. La didascalie était appelée « doctrine catholique des 12 apôtres et saints disciples de notre Sauveur ». C'est un ouvrage chrétien dont l'auteur est de toute évidence un évêque du début du IIIe siècle. Ce texte nous renseigne avec ampleur sur toutes les manifestations de la vie publique chrétienne de cette période. L'auteur parle de tout. Il fournit donc de nombreux matériaux à l'historien. La persécution déclenchée en 303 fut la plus violente de toutes. Ce fut les dernières douleurs de l'enfantement prophétisées par le Christ. Après celle-ci, ce fut la naissance de l'Église dans le monde. Après presque 3 siècles de persécution, sort enfin des entrailles de la terre, c'est-à-dire des catacombes. Après les douleurs de l'enfantement, l'Église sort de la longue nuit de l'enfance pour prendre taille adulte et étendre ses bienfaits dans tout l'Empire romain et au-delà. Jésus avait dit en Jean 16:20-21, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Comme l'enfant passe de longs mois dans les entrailles de sa mère avant de sortir et d'entrer dans sa destinée dans le monde, l'Église, après de longs siècles, sort des entrailles de la terre et entre dans sa vraie destinée et changera la face du monde. La persécution de Néron, d'après Tacite, raconte que les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas un bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. Fin de citation. Vous voyez, les citoyens romains commençaient à se réveiller, il était temps là, et à trouver injuste que les chrétiens étaient persécutés de la sorte. Voici ce que Daniel Rops écrit à propos de cette période. Comme le bon larron se convertit en voyant l'injustice de la crucifixion de Jésus. Le peuple romain était vivement touché de l'injustice avec laquelle les chrétiens étaient sacrifiés. Devant cette barbarie, une multitude de Romains se sentait sûrement coupable d'être même Romain, d'assister à ces persécutions comme devant un spectacle. Il ne fait nul doute que la honte de s'associer ainsi aux persécuteurs a dû être le péché qui leur perçait le cœur et les amenait à la repentance. La conversion était certainement le seul amendement logique à leur péché. Fin de citation. L'Épître à Dionyète, à la fin du IIe siècle, dit ceci. Les chrétiens, semblables aux autres hommes sous le rapport de l'habitation, du vêtement et du langage, s'en diffèrent beaucoup, car ils sont citoyens d'une autre patrie, se considèrent comme des étrangers ici-bas, fidèles aux lois, époux fidèles, pauvres mais généreux, aimant ceux qui les persécutent et rendant le bien pour le mal. Ils sont toujours heureux, ils jouent dans ce monde le rôle de l'âme dans le corps. Sans eux, le monde s'écroulerait. Alors, mes frères et sœurs évangéliques et protestants, est-ce que ces chrétiens vont en enfer? Je vous rappelle qu'ils croyaient en l'Eucharistie, au baptême des enfants par effusion, à l'intercession des saints et au culte des images, aux reliques et autres. Croyez-vous réellement que ces chrétiens sont en enfer présentement à cause de ça? Nos frères et sœurs des 3 premiers siècles avaient le même credo et les mêmes dogmes que l'Église catholique aujourd'hui. Je conclus mon message avec les paroles suivantes. On a vu que l'histoire des chrétiens de la Bible et celle des chrétiens martyrs des 1er siècle étaient enchevêtrées et imbriquées l'une dans l'autre, liées ensemble de façon inextricable. On ne peut pas louer les chrétiens de l'époque biblique et condamner les chrétiens qui les ont suivis parce qu'ils ont exactement la même racine. Alors, condamner l'Église actuelle à cause de ce qu'elle croit, c'est condamner tous les martyrs du même coup. Alors je vous prie de réaliser votre erreur, mes frères évangéliques. Amen.